J'espère que tu es en pleine forme en ce lundi 31 mai, dernier jour du mois de mai. Mais quel bonheur de voir enfin le printemps arriver, franchement. Il était temps, je suis Lia, je suis avec toi en direct pendant une heure dans cette émission L'Odeur du Son. Je vais, comme à mon habitude, eh bien faire le relais de quelques infos locales, te jouer mes disques chouchous. Et l'essentiel arrive et c'est le moment d'accueillir mon invité, Muriel, de la plateforme web collaborative gratuite impulsée par le Conseil départemental des Vosges pour les acteurs vosgiens de la culture. Tout ça sous le nom de Culture C'est Nous. Bonjour Muriel, comment ça va ? Bonjour Lia, tout va bien, il y a le soleil. Mais tu m'as ramené le soleil. De rien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Aujourd'hui, on va, je cite, cultiver ensemble la culture dans les Vosges. Ça te parle ce terme ? Ah, complètement. C'est toi qui l'as écrit. C'est ma devise. Donc voilà, on va passer un super moment. Alors, eh bien, Muriel, on va se lancer dans le vif du sujet concrètement. Culture, c'est nous, Kézako. Alors, Culture, c'est nous, c'est quoi ? C'est plein de choses. Tout d'abord, c'est une plateforme en ligne qui a été créée en 2016, impulsée par le Conseil départemental des Vosges. Ouais. Un véritable outil de travail mis à disposition gratuitement auprès des acteurs culturels vosgiens, tout domaine confondu. D'accord. Voilà, donc ça peut être des acteurs culturels du cinéma, de l'audiovisuel, de l'art du cirque, des arts plastiques, arts visuels, de la danse, de la musique, du patrimoine, de la lecture publique, de l'éducation populaire, etc., etc., etc. Bah, dis donc. Plein de choses. C'est aussi des rencontres professionnelles, donc organisées par le conseil départemental, en distanciel, bon, suite à la situation actuelle, et puis aussi en présentiel, tout au long de l'année, sur des thématiques variées. Et pour finir, c'est une belle communauté culture et Vosges sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Ok. Donc, qui a décidé un jour, c'est qui a cette initiative de création de Culture C'est Nous ? Alors, c'est vraiment le département qui a souhaité mettre à disposition des acteurs une plateforme en ligne. Donc, c'est parti sur l'idée d'une plateforme numérique qui pourrait faciliter la mise en réseau des différents acteurs. Donc, en quelques clics, faire se rencontrer les acteurs culturels du territoire et impulser la collaboration entre eux. D'accord. Ok, donc c'était vraiment dans le but de créer un véritable réseau. Tout à fait. Ok. Ça répondait à une demande, ça palliait à un manque. Pourquoi ça a été créé exactement ? Alors ça a été créé, parce que ça faisait partie aussi du plan Vosges, impulsé par le conseil départemental. Ça a été aussi une volonté, comme on est sur un territoire vaste, rural, de pouvoir permettre à tous les acteurs qui viennent de l'ouest, de l'est, de l'Épinal, etc., de pouvoir collaborer entre eux, trouver des liens et pourquoi pas susciter le développement de projets culturels, transverses ou non, et puis favoriser l'emploi culturel sur tout le territoire. Ok, donc aussi des rencontres entre professionnels, entre structures différentes, entre artistes pour faire émerger différents projets, pourquoi pas. C'est vraiment ça, c'est un outil de travail, c'est pour impulser des projets divers, les accompagner aussi dans la mise en œuvre de ces projets-là, et puis de mettre en lumière aussi la pluridisciplinarité. Ouais. Super. En plus, c'est tellement riche ici dans notre département des Vosges. Il y a tellement de talents bruts, peu connus, très connus parfois, mais vraiment tellement vastes. Hein. On a beaucoup de richesses ici. Et il était quand même temps qu'on le découvre. tout à fait. Et puis on a toutes nos les structures, les associations, les, oui. Les lieux scéniques, mais on a aussi les artistes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un outil qui peut être vitrine de tout le travail qu'ils font. On a beaucoup de talents et voilà, c'était l'idée de les mettre en lumière okay. De différentes manières. Est-ce que parfois vous êtes amené à donner des conseils à ces gens-là pour leur permettre d'évoluer dans un domaine? La communication, par exemple, peut-être? Oui, alors, Culture, c'est nous, on les aide au niveau des projets pour qu'ils puissent avoir un outil, mais après, ça va au-delà. Le conseil départemental a une offre de services très large, avec vraiment un accompagnement, une ingénierie, des dispositifs d'aide. Donc on propose, selon les domaines, selon ce qu'on souhaite faire, quel type de projet, on a une personne dédiée au conseil pour accompagner les personnes. Donc ça va au-delà de Culture, c'est nous, bien évidemment. Super. Une visibilité aussi, peut-être, à certains moments? Tout à fait. Alors, en tant qu'animatrice, j'ai souhaité mettre en place pour Culture, c'est nous aussi des reportages et interviews des acteurs. Donc, je vais sur génial. Le terrain, je les rencontre, je les interview. Donc, je suis amenée à voir plein de gens avec bourrés de créativité. Et c'est un réel plaisir. Et j'essaye, du coup, de les mettre en lumière sur le blog de Culture, c'est nous et sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook. On a un compte Instagram et puis on a une chaîne YouTube. Bon, on va en parler de ces rencontres là, ça m'intéresse. Du coup, j'espère que je vais bien travailler aujourd'hui si j'ai une animatrice en face de moi. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous aident dans ce projet là, des collaborations? Alors, ou pas? Par rapport à Culture, c'est nous, pas de partenaire spécifique. Après, le conseil départemental a plein de partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels ou associatifs. Oui. Pour Culture, c'est nous, non, on va sur le terrain. C'est vraiment notre relation directe avec l'acteur culturel. D'accord, ok. Alors Muriel, pour un peu te situer, et attention auditeur, il y a du lourd. Tu es globe-trotteuse, polyglotte, multiculturelle, gaga de créativité au sens large, pro de la communication et de l'événementiel, passionnée d'aquarelle, de papeterie créative et de doodling, tu es bricoleuse de bois et de carton et tu es sensible à l'éducation innovante, à la pédagogie de projet, au jeu ouvert, à la parentalité bienveillante et positive, tout un programme. Et quel programme? Et au sein de Culture, c'est nous, du coup, c'est quoi ton rôle? Est-ce que tu allies tout ça? Alors c'est ma personne, hein. Je me présente telle que je suis et j'espère que les acteurs culturels sont sensibles à ma personne. Au sein de Culture, c'est nous, je suis vraiment l'animatrice des réseaux culturels. J'essaie de faire le lien, tout simplement. J'essaie d'apporter le sourire, d'être là sur le terrain. J'essaie de leur apporter un petit peu de lumière en plus sur des moments ces derniers mois qui étaient compliqués. J'ai essayé d'être là en termes de sous la forme du numérique, d'être présente tout au long de cette période compliquée. Et puis je suis vraiment ouverte à toutes les disciplines de manière très personnelle, hein. C'est quelque chose qui me touche, la culture, et j'espère que toutes mes rencontres, que ça a été autant un plaisir pour eux que pour moi. Oh, c'est beau ça, c'est vrai que c'est ce qu'on espère toujours. Alors, depuis quand tu es au sein de Culture, c'est nous? Alors, je suis là depuis juin 2019. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent. Je suis la nouvelle arrivée et je compte bien rester un moment et puis vraiment de construire cette communauté. On a j'ai créé un totem avec du bois vosgien que j'embarque partout avec moi lors des reportages, interviews. Et c'est j'espère que les gens portent ce totem avec fierté. J'ai envie vraiment construire une belle communauté et qu'elle s'agrandisse. C'est beau, c'est beau. Alors, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. Tu arrives en 2019 au sein de Culture, c'est nous. Peu de temps après, arrive ce fameux virus qu'on n'a plus besoin de nommer. Je pense que tout le monde sait de quoi on parle. Comment ça se passe à ce moment-là pour tous ces acteurs culturels, tous ces artistes que tu rencontres habituellement, et pour vous au sein de Culture, c'est nous? Comment ça se passe, ce Covid? Alors, je ne veux pas parler à la place des acteurs culturels, mais en tout cas, j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux. C'est compliqué, ça l'est toujours. Des périodes de doute, de démotivation. Voilà, il faut se réinventer, s'adapter tout le temps. Donc, j'ai senti effectivement de la détresse chez certains, de la fatigue chez d'autres, de l'espoir aussi chez beaucoup, en fait. Voilà, ils continuent. Donc, je suis très impressionnée par toute l'énergie qu'ils apportent. C'est vrai que voilà, ce secteur-là, la culture, c'est vrai que ça fait... C'est pas un métier, c'est une passion, oui. Et on le ressent chez les gens. Pour ma part, au niveau de Culture C'est Nous, j'ai essayé de rester présente. Donc, sur les réseaux sociaux, on a démarré une opération Culture Chez Vous, où voilà, les gens pouvaient envoyer des photos, des vidéos de ce qu'ils faisaient. Donc, on a eu beaucoup de musiciens, des petites pièces de théâtre, plein de petites choses comme ça, et des grandes choses qui nous ont envoyées et qu'on a partagées sur les réseaux. Et ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle les Cafés C'est Nous. Donc, c'est cafés rencontres version confinée, où tous les mois, on se rencontre en visio, les acteurs culturels, tout domaine confondu, sur une thème précise pour vraiment continuer la mise en réseau, continuer de parler de potentiels projets et de les faire se rencontrer autrement, voilà, à travers un écran, mais quand même se rencontrer. Il a fallu innover, tu as su rebondir avec les gens présents peut-être avec toi, et ça a été vraiment le grand mot de ces confinements à répétition, ça a été l'innovation, ça a été se réinventer, et vous aussi vous avez dû le faire et apparemment bien fait. Je l'espère. Quel parcours tu as eu, toi, pour arriver jusqu'ici au sein de Culture C'est Nous ? Oula. T'inquiète pas, on a du temps. Ouais. Mon parcours est très très complexe, très voilà, très mouvementé, très riche. Ouais. J'ai grandi aux États-Unis, donc j'ai vécu 13 ans là-bas. Mais oui. J'ai fait des études de communication. J'ai été un petit peu partout en France et dans les Vosges depuis 3 ans. J'ai toujours eu le fil conducteur de l'éducation et de la culture avec cette compétence de communication. Donc c'est ce qui m'anime tous les jours. Et je suis arrivée chez Culture C'est Nous, où je retrouve tout ce qui me plaît. C'est un poste très très varié, donc je m'ennuie pas. Je suis stimulée créativement, intellectuellement tous les jours. Est-ce que tu as rencontré la culture à un moment donné dans ta vie ? Est-ce que tu as été toi-même, tu as une fibre artistique pour aimer autant, être autant sensible à tout ça ? Oui, alors je suis artiste amateur, on va dire. J'ai toujours eu cette sensibilité-là. Je peins beaucoup, je fais de l'aquarelle. Je dessine énormément, des croquis. J'ai un carnet de croquis toujours sur moi. Ah ben oui. Pour moi, c'est une manière aussi d'extérioriser un vécu, des émotions. Donc ça a toujours été très important pour moi de le faire. Et finalement, l'art, ça a souvent été une des seules manières que j'ai trouvé pour le faire. Donc j'ai une sensibilité à ce niveau-là. Et puis la musique, c'est quelque chose que j'ai grandi avec aux États-Unis puis en France. Ça fait vibrer, ça fait ressentir des choses très fortes. Donc, complètement dans l'univers, mais de manière tout à fait amateur. Ah ben dis donc, quand même. Alors, t'es pas vosgienne d'origine ? Non, mais je suis, c'est ma terre adoptive et j'y suis bien avec ces belles montagnes. Donc non, je suis vosgienne de cœur. Ouais, ok. Donc ça n'a pas été difficile de t'acclimater, de trouver une place au sein de tout ce qui se passe ici. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. C'est vrai que cette petite part de nature fait du bien. Et ouais. Vraiment, de manière extérieure quand on se promène, mais aussi intérieure, ça fait du bien. C'est vrai, c'est bien dit ça. Avant de s'immerger dans le sujet de tout savoir sur la plateforme Culture C'est Nous, je te propose, auditeur, mes premiers disques chouchous. On commence par un morceau tiré du nouvel album Suite Lorraine du pianiste Stéphane Escombs. Merci, que j'ai découvert sur la plateforme Culture C'est Nous. Un petit mot sur cet artiste ? Alors c'est un artiste qui est partout. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un musicien avec un grand M. Cet univers jazz me plaît beaucoup personnellement. Je l'écoute très régulièrement. Ah bah voilà. Et on va continuer ensuite avec Louding on the Outside de Bernadette Carole. Désolée, j'ai pas vécu aux États-Unis. Pardonnez. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours sur Radio Gémo, oui, c'est les aléas du direct, on papote et voilà, on oublie que la musique est finie, on est toujours avec Muriel de Culture C'est Nous pour un super moment, on apprend à se connaître en plus en off et ça c'est bien sympa et c'est le moment où je passe une petite info locale. Le 18e Festival des Abbayes se déroulera bien du 9 juillet au 28 août 2021 sur le thème l'esprit des lieux, l'écho, l'empreinte et la relique. 9 concerts au programme dans 6 abbayes magiques, 3 créations le 17 juillet à Autré, le voyage héroïque avec la Fénis Monteverdi, le retour d'Ulysse le 30 juillet, journée Jean-Sébastien Bach, le 7 août et le 8 août, concert jusqu'à la nuit des étoiles avec Dodécabonne, 15 trombonistes de Paris, Lyon, Lausanne, Genève, Saarbrücken, Leipzig, Rostock, Fribourg, Bruxelles et Liège quand même, et des résidences pour faire chanter la mémoire de la chanson française et de ses origines au 20e siècle. Ça paraît quand même un programme plutôt sympathique et on est content que ça reprenne tous ces événements-là. Oui, effectivement, le Festival des Abbayes, je l'avais fait l'été 2019 et c'est une belle aventure. C'est vrai, c'est chouette? Oui, c'est vraiment sympa. Ça doit vraiment immerger dans un autre monde en plus. Puis le cadre est vraiment impressionnant. Et oui. Alors, on retourne à nos moutons. Culture, c'est nous. Je suppose quand même qu'il y a une équipe derrière cette plateforme. Tu n'es pas seule, si? Alors, si, je suis seule. Alors, je rassure au sein du département, la direction de la culture, du sport et de la jeunesse, on est une belle équipe, une grande équipe. On a plusieurs services et notamment l'action culturelle et sportive territoriale qui est mon service. Et par contre, Culture, c'est nous. C'est moi. D'accord, ok. Ben dis donc, que de bras. Alors pour moi, en tant qu'animatrice, c'est une mine d'or cette plateforme, hein, car on peut aller chercher les artistes présents dans le secteur. Il y a plein de ressources. Concrètement, comment ça fonctionne cette plateforme du coup? Alors, il y a plusieurs onglets sur cette plateforme. En fait, c'est donc le site culturecestnous.vauge.fr. On va dire l'outil principal, c'est l'annuaire en ligne de tous les acteurs culturels, qu'on soit une structure ou un individu. Comment on s'inscrit justement? Alors, on s'inscrit comme tout simplement, en fait, une adresse mail, un mot de passe, et puis on reçoit notre confirmation. On crée un profil, on choisit structure ou individu selon ce qu'on veut mettre en avant. Et puis, on peut créer aussi plusieurs profils. Si on est un artiste plasticien, par exemple, mais qu'on fait partie d'une association et qu'on veut créer l'association également. L'annuaire permet, avec un moteur de recherche, de trouver des acteurs culturels, tout domaine confondu. Il y a les coordonnées en ligne, donc on peut tout de suite les contacter, leur proposer un projet ou tout simplement. Il y a des espaces de partage différents, donc pour mettre en ligne des annonces d'emploi, de stage, des annonces de rencontres pro, des annonces, on recherche en fait quelque chose en particulier, on veut mettre du contenu, on peut aussi écrire directement dans le blog si on a un article à faire, et puis on a un espace collaboratif pour partager des documents et puis inciter des gens à rejoindre un projet. Super. Donc cette plateforme, elle s'adresse à tous ceux qui font quelque chose de culturel, dans ce domaine culturel. Voilà, ça s'adresse aux professionnels, mais également aux amateurs. Si on fait partie d'une chorale, la chorale peut s'inscrire, et puis nous, on peut s'inscrire en tant que chanteur de cette chorale-là, et puis mettre en ligne notre actualité en tant qu'association, pardon. Il y a également, en fait, des ressources en ligne, et notamment notre parc départemental des instruments de musique et du matériel scénique. Alors ça, c'est génial. On peut se faire prêter des instruments de musique. C'est ça. Mais qui prête? Alors, le conseil départemental, on a un parc avec plein d'instruments, du matériel, son et lumière, scène. Et donc, une association peut, une école de musique par exemple, peut faire la demande directement. Donc, en ligne, il y a tout le catalogue de tous tout le matériel. Mmh. Et puis, on peut après écrire à ma collègue Noémie qui s'en charge et puis se faire prêter ce matériel-là. C'est génial. Oui, tout à fait. C'est génial parce que bon, c'est vrai que le matériel, ça coûte cher pour investir. On peut pas toujours, voilà, se le faire prêter. C'est quand même peut-être un moindre budget, quoi. Oui, ça fait partie vraiment du parc, du réseau des parcs en fait de la région Grand Est. Nous, on a celui qui est affilié au conseil départemental D'accord. des Vosges. En tant qu'animateur speaker, on peut s'inscrire aussi. Oui, oui, je vais essayer. Mais tu as ta place, il y a. Je vais essayer, c'est obligatoire. Alors, comment se crée le contact avec ces artistes locaux ? On en parlait tout à l'heure, parfois tu les rencontres, tu les interviews. Comment tu les rencontres ? À quel moment vous faites connaissance ? Comment ça se passe tout ça ? Ça peut se faire de différentes manières. Alors en ce moment, avec le Covid, ça se fait beaucoup sur Facebook Messenger, faut le dire. Les réseaux sociaux, on peut les critiquer autant qu'on veut, mais pendant cette période, ça a été quand même très utile de les avoir. C'est des relations qui se font. Voilà, ils connaissent tous le conseil départemental. Certains font des demandes de subventions, donc on les rencontre déjà à ce moment-là. D'accord. Avec le service du département. J'essaie toujours en fait d'accueillir les nouveaux, de me présenter, de les inciter à s'inscrire sur la plateforme, et puis d'aller voir ce qu'ils font, ou quelqu'un de l'équipe va voir un petit peu ce qu'ils font, les rencontres sur le terrain, en plein milieu d'un projet, d'une résidence de création. Il y a plein de différentes manières de les rencontrer. Alors il y a des reportages, interviews, mais après ça peut se faire sous plein d'autres formes, notamment eux qui mettent en ligne du contenu sur la plateforme et que je relaye ensuite sur nos réseaux pour agrandir la visibilité pour eux. Super. Alors j'imagine quand même qu'il faut une grande connaissance de tout ce qui se passe ici, des actions proposées sur le territoire. Est-ce qu'il y a un peu de prospection justement? Parfois. Oui, alors on fait tous un petit peu de la veille, et puis chacun a son domaine d'expertise aussi, que ce soit de la danse, les arts plastiques. Voilà, au sein du département, on a des gens qui travaillent sur différents domaines spécifiques, que ce soit l'éducation artistique culturelle, les arts plastiques, etc. Et puis on a aussi le conseil départemental au sens large. En fait, on a Sortir Vosges qui met en ligne aussi beaucoup d'événements d'actualité. Oui. Donc on s'appuie aussi sur ce support là. Oui. Ok. Est-ce que parfois tu vois des artistes et tu te dis il faut que je lui dise de s'inscrire sur Culture C'est Nous? Alors moi je les découvre des fois effectivement de manière même personnelle en fait, où je me dis tiens, voilà une personne intéressante, et puis je vais lui parler de Culture C'est Nous, je fais ce lien après avec mon travail, avec des rencontres qui sont de manière tout à fait spontanée des fois. C'est chouette. Alors quand tu menais des interviews, t'allais les voir sur place pendant un événement, ça se passait comment ? Voilà, ça pouvait être un concert, un festival, ça peut aussi être lors de leur résidence de création. Mmh. Et puis après avec la représentation qui se fait à la fin. J'essaye en fait, ça peut être des rencontres très ponctuelles sur des événements très ponctuels, mais ça peut aussi être sur un projet sur le long terme, et puis faire ce suivi de A à Z avec eux, qui est aussi très enrichissant parce qu'on voit en fait l'évolution de leur projet, comment ça a été mené, et puis surtout le travail qui est fait avec les publics, que ce soit des jeunes publics ou des gens qui sont éloignés de la culture. C'est vrai qu'on a un axe très important pour la culture pour tous, et beaucoup d'acteurs culturels sont sur cet objectif-là, et ce lien avec le public aussi pour moi est très important. Et oui, c'est vrai. Tu le disais toi tout à l'heure, tu as besoin qu'on mette un visage sur qui tu es, et du coup toi tu as eu besoin de faire ça aussi avec eux, tu as eu besoin de mettre un visage aussi et une personnalité, regrouper tout ce qu'ils sont pour montrer au public vraiment leur individualité, peut-être. Oui, moi l'idée c'était vraiment qu'ils sachent à qui ils parlent, ou qu'ils parlent d'eux en tout cas, et puis créer un lien fort avec Mais eux. Oui. Alors pour certains on a plus de temps, d'autres moins. Avec cette période de Covid, ça a été moins évident. J'ai voulu aussi avoir cette proximité avec les acteurs culturels. Je pense que c'est important. Mon objectif, en tout cas moi, au sein de Culture C'est Nous, c'était de créer une communauté qui est rattachée au département, mais qui est une vraie communauté du territoire. Ça leur appartient finalement, Culture C'est Nous. C'est pas au département, c'est pas à moi, c'est à tous ces acteurs culturels qui apportent de la créativité et de l'innovation et plein de belles choses voilà, qui font vibrer monsieur et madame tout le monde tous les jours. Ça, c'est vrai. Est-ce que cette communauté, ce réseau, il s'accroît de jour en jour? Est-ce que ça fonctionne, tout ça? J'ai l'impression que ça fonctionne. En tout cas, en termes de chiffres, ne serait-ce que notre page Facebook, on est parti de, quand je suis arrivée, à peu près 500-600 fans, et aujourd'hui, on est à plus de 1000. Et oui. Donc je vois que voilà, ça porte un intérêt, et puis que les acteurs culturels ont envie, effectivement, de faire partie de cette communauté. Puis de, aussi, on communique des infos qui peuvent leur être utiles pour l'emploi culturel. Donc, je pense des appels à projets, des appels à candidatures. Et ça, c'est ce qui leur fait vivre tous les jours, donc voilà, on essaie de partager le plus d'infos, voilà, pour qu'ils puissent avancer sur leur projet. Voilà, j'ai l'impression en tout cas que de plus en plus de personnes font connaissance avec Culture C'est Nous et puis s'inscrivent. Et ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Et sur la plateforme, on est à peu près 800 inscrits aujourd'hui. Quand même, c'est pas mal. Allez, c'est le moment pour moi de sortir mes prochains disques chouchous. On commence par le local, bien entendu, avec Célu Géléon. Oui, je connais également. Et leur titre, Vert. On continuera avec ODB pour Got Your Money. Pas local, mais quand même bien kiffant. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Peut-être que je devrais penser à moins écouter les on dit. Peut-être que je devrais me concentrer sur mes mots à faire rebondir. Peut-être que sur les photos je devrais me forcer à sourire. La musique est un cadeau mais peut-être bientôt plus qu'un souvenir. Peut-être que j'ai peur du temps, peut-être que je fais du rap d'enfant. Du coup je devrais cacher mes cheveux blancs. Putain j'ai même pas 30 ans. Peut-être que je suis trop vieux, que je vois le rap comme un hommage. Un jour je me regarderai avec les yeux d'un adulte de mon âge. Peut-être que je me déteste, de les écouter pousser de la fonte. Mais comme eux avec mes textes, j'écoute pas ce qu'ils racontent. J'aimerais me tenir à distance et putain de conseils à dispenser. Mais c'est dur d'être quelqu'un de bien et j'arrête pas d'y penser. T'as peut-être pas tiré les bonnes cartes, règle du jeu impersonnel. Tu ne rentres peut-être pas dans le cadre, tout le monde like mais personne n'aime. Ramène à boire, ramène à voir, pour de la gloire que je peine à croire. À vouloir tout avoir, peut-être bien qu'on en perd son être. Sur leur papier de glace, tu ne verras pas ton reflet. Pour être au centre de la place, est-ce que tu le ferais? Les laisse pas nourrir la rancœur que t'as de ton corps. Continue à te construire des rêves qui font vibrer encore ton cœur. C'est pas si noir, c'est pas si blanc, t'as le temps pour tout voir et tout faire. Jette un œil par ce hublot qui sur le monde est ouvert. Si tu veux, si tu peux, n'écoute pas les on-dit. Si tu peux, si tu veux, écoute ce que les on-dit. Même au cœur, la tempête s'arrête pas de danser. Quand le ciel s'assombrit, t'arrêtes pas de danser. Le temps sèche les yeux, t'arrêtes pas de danser. Danser. Garde tes pas en tête, t'arrêtes pas de danser. La vie a son prix, t'arrêtes pas de danser. J'ai que tu fais ton mieux, t'arrêtes pas de danser. Danser. Ai-je quelque chose à me reprocher? Est-ce que j'aurais dû voir les signes? J'aurais peut-être dû m'approcher et regarder ce que tu dessines. Moi aussi, je me résigne, mais devant tes yeux humides, j'aurais dû voir que tes pupilles reculaient au bord du vide. Maintenant fais un feu, regarde, je crois que côté ciel, peut-être que derrière les nuages grandissait ton coup d'exil. Imagine tout ce qui découle de tout ce qui décolle. On oublie de se serrer les coudes, il nous manque une épaule. Tant pis, lève la tête, il y aura toujours un horizon. Si le chemin est vert, faut quelques larmes pour l'arroser. Peut-être qu'il faut d'abord partir pour revenir à la raison. Tout recommence un jour, attends la prochaine rosée. Tu viens te réfugier dans la nuit quand t'apprends que le jour mentait. Tourmenté quand on descend, le plus dur est de tourmenter. Laisse couler ta larme, si tu tiens le revolver. On a tous un château dans le ciel, mais je veux pas que tu t'envoles vers. Si j'écris ça, c'est que je n'arrête pas d'y penser. Incessant, insensé, mais t'es plaît à ne plus penser. Si ton monde encore se dérobe, tu peux venir le romancer. Mais m'offrant sans fil ta plus belle robe et t'arrêtes pas de danser. Y'a la pâleur dans le noir, la chaleur dans les froids. Mais crois pas que t'as les trois, tu vois la peur, on est trois. Je conçois un nouveau départ, loin de tes déboires. Oublie ce qu'on te laisse croire, regarde vers, c'est l'espoir. Même au cœur, la tempête t'arrête pas de danser. Quand le ciel s'assombrit, t'arrêtes pas de danser. Le temps sèche les yeux, t'arrêtes pas de danser. Danser. Gardez pas en tête, t'arrête pas de danser. La vie a son prix, t'arrête pas de danser. Je sais que tu fais ton mieux, t'arrête pas de danser. Danser. En enfance à la belle époque avec ce son, qu'est-ce que t'en penses? C'est toute ma jeunesse, on va dire. T'as bien aimé ça, c'est vrai. C'était cool. Alors, petite info locale avant de repartir dans notre sujet du jour. La Société Vosgienne de Protection Animale propose sa brocante annuelle les 12 et 13 juin. Vous êtes chineur, amateur de recyclage et également ami des animaux. Eh bien, sachez que les bénéfices de cette manifestation contribuent à leur mission d'aide envers nos amis à quatre pattes. D'ailleurs, les visiteurs pourront découvrir les animaux hébergés, chiens, chats, lapins et autres, et peut-être revenir après mûre réflexion pour adopter l'un d'entre eux. Une bonne action, et ça, ça fait plaisir. On revient sur le site de Culture C'est Nous. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler l'adresse du site. Oui, donc c'est Culture C'est Nous, donc c'est la lettre C, hein. Oui. culturecestnous.vosges.fr. Voilà, donc tu me disais en off que justement ce site, il est en refonte. Dis-nous en plus. Oui, on est actuellement en train de travailler suite à une enquête menée auprès des acteurs culturels pour savoir un petit peu quelles sont leurs attentes et leurs besoins, de réfléchir à une refonte donc prévue pour l'année prochaine. C'est du travail. Voilà. C'est du travail, mais voilà, c'est vraiment dans le but d'offrir une plateforme numérique qui répond mieux aux besoins, qui est plus simple d'utilisation aussi. D'accord. Plus de visibilité tout de suite, savoir où on va, ce qu'on veut. Savoir où cliquer en deux, trois clics, pouvoir répondre à son besoin. Super. Alors, vous avez fait cette enquête auprès de qui ? Alors auprès des inscrits, mais on a aussi créé des groupes de travail, des ambassadeurs Culture C'est Nous, donc des acteurs culturels qui ont bien voulu, de manière tout à fait volontaire, et je les remercie, s'impliquer dans ce travail de réflexion. Super. Alors Culture C'est Nous, c'est très vaste, hein. Il y a plusieurs onglets, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et il y a des actus, hein. On peut trouver tout de suite quand on arrive, ce qui va se passer ou ce qui se passe sur le département. D'emblée, par exemple des expos. J'ai vu ça. Oui, alors on relaye, surtout notre travail, c'est de relayer ce qui est publié par les acteurs culturels ou par notre service de communication avec Sortir Vosges, mais c'est vraiment l'idée de relayer l'actualité qui est mise en ligne par les acteurs culturels, et puis eux-mêmes peuvent le mettre en ligne sur le blog actuellement. Super. Il y a aussi des relais d'appels à projets, tu le disais tout à l'heure, pour les artistes. Alors comment ça se fait, ça, c'est vous qui allez piocher, on vous les envoie, ces appels? Alors effectivement, sur l'onglet du forum, en fait, on a un espace annonce appel à projet, et donc on en reçoit beaucoup des partenaires institutionnels, de fondations, de structures qui mettent en ligne régulièrement des appels à projets ou des appels à candidature. C'est moi qui crée le contenu du coup, ou qui relaye d'un site existant. Après, il y a des collectivités aussi qui mettent en ligne des appels à projets qu'on relaye. Super, pareil pour les offres d'emploi, les appels à candidature, il y a quand même pas mal de choses. Tout à fait, il y a vraiment un travail qui est fait avec les communes qui nous envoient les informations quand c'est en rapport avec la culture, et puis nous on relaye sur la plateforme Culture C'est Nous, et aussi après relayé sur la page Facebook. J'ai répondu à une annonce justement pour prêter ma voix pour un dessin animé. Oui. On va voir ce que ça donne. Il faut encore que je fasse mes enregistrements, mais voilà, on trouve des trucs de folie. Moi, je cherchais un endroit où on pouvait justement avoir tous ces aspects réunis. Voilà, c'est vraiment ciblé sur la culture. Des fois, on cherche des choses, mais on s'égare vite. Et là, c'est vraiment ciblé. C'est cet aspect culturel que l'on voit tout de suite. Et c'est dans ce domaine que l'on se plonge. Et enfin, j'ai pu trouver mon bonheur. Oui, c'est vrai que c'est l'idée de mutualiser. En fait, tout le monde a une compétence, une ressource. Et puis, parfois, il faut chercher chez l'autre, en fait, ce que nous, on n'a pas. Ou en tout cas, faire un appel. Hâte de t'entendre, du coup. Ah bah, je vais voir si ça convient. Je vais voir. Il y a un forum aussi. Qu'est-ce qu'on y trouve sur celui-ci ? Oui, alors le forum, donc tout ça va être un petit peu modifié pour que les gens s'y retrouvent mieux après la refonte. Mais en tout cas, le forum aujourd'hui, c'est vraiment le lieu de partage de contenu. Donc que ce soit les annonces ou on a les petites annonces aussi. Voilà, on est un acteur culturel. On a fait un tournage cinéma et puis on n'a plus besoin de nos décors. Voilà, on veut les refiler à une association de théâtre, une compagnie de théâtre, par exemple, associative. Voilà, on peut faire une petite annonce là-dessus aussi. Et puis à côté de ça, on a aussi un onglet ressources qui est quand même assez important parce qu'on y retrouve beaucoup d'informations. Donc notamment le parc départemental de matériel dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi toutes nos expositions que nos services des archives et la médiathèque départementale des Vosges peuvent proposer aux différents acteurs culturels. Donc c'est des expos tout clé en main qu'on peut venir récupérer et puis utiliser au sein de sa structure. Super. Et puis on a aussi un catalogue de nos lieux vosgiens, donc ça peut être toutes nos salles polyvalentes sur le territoire, les salles de répétition, voilà, tous les lieux où on peut On peut écouter de la musique, parce qu'il y a même des bars où on peut écouter de la musique. Enfin, c'est ça. Tous les endroits où on fait quelque chose. Un exemple, un groupe de musique qui cherche vraiment un lieu pour diffuser son concert, en fait, il peut aller sur ce catalogue des lieux et puis essayer de trouver ce qui correspond le mieux à sa recherche. C'est super. D'ailleurs, on voit l'association L'École des Nez Rouges. Alors ça, je connaissais pas. Et c'est vraiment une mine d'or pour nous, les médias, cette plateforme-là, parce que voilà, c'est tellement riche et on découvre vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et pour ça, déjà, bravo. Il y a d'autres onglets aussi qu'on n'aurait encore pas dit. Alors non, en plus il y a sur l'onglet ressources la boîte à outils. Oui. C'est vraiment plus les documents comme notre guide des aides du département. Voilà, des choses qui sont plus de l'ordre de l'information. Et puis l'annuaire, c'est le gros bloc dont j'ai parlé avant pour vraiment chercher un acteur culturel sur le territoire. Super. On peut aussi chercher des sites internet. Oui. Alors dans l'onglet ressources, il y a des liens utiles vers des pages institutionnelles ou associatives qui peuvent les aider, surtout aussi sur tout ce qui est juridique ou administratif. Ça peut aider les associations qui débutent leur activité ou qui ont besoin de plus d'informations pour aller plus loin. C'est vraiment un couteau suisse. C'est ça, c'était l'idée. Et là, l'idée, c'est de ranger le couteau suisse, chaque élément du couteau suisse, un peu plus à sa place. Mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir cette diversité d'informations ou de possibilités de mise en ligne de contenu de la part des acteurs. C'est vraiment en fait aussi cette idée de collaboratif. En fait, que ce soit une plateforme collaborative où je vais mettre en ligne du contenu, mais chaque acteur peut lui-même mettre en ligne du contenu et des éléments. Donc, et puis sa page profil d'être vraiment une vitrine de leur activité. Super. Mais ça doit être vraiment un gros boulot de pouvoir proposer tous ces documents, ces salles. Il y a beaucoup d'archivage justement de... Ça se fait naturellement, et puis il y en a qui deviennent obsolètes, puis on change, il y a de la nouveauté qui arrive. Beaucoup de documentation quand même. Pas mal de documentation. On a essayé de s'appuyer aussi sur la région Grand Est qui met en ligne aussi des contenus. En fait, l'idée, c'est pas seulement de mettre en ligne nous des ressources, mais aussi de relayer nos partenaires qui mettent en ligne des ressources. C'est pioché. Super. Voilà. Du coup, j'en profite pour diffuser ce que tu me disais tout à l'heure. Si les acteurs ont quelque chose à partager, tu fais un appel justement à ces acteurs pour qu'ils partagent leurs actus auprès de toi. Oui, l'idée, par exemple. Tout à fait. C'est un appel aux acteurs qui ont des choses à nous raconter, des projets qui sont en cours, des spectacles qui vont bientôt venir. Voilà, c'est vrai que la culture s'ouvre à nouveau, donc n'hésitez surtout pas à partager ça. Alors, ça peut être par mail, ça peut être directement sur la plateforme en s'inscrivant, ça peut être par Messenger sur la page Facebook. Vous pouvez me contacter de plein de différentes manières, mais en tout cas, on est friands de ces informations-là pour justement suivre votre actualité. Oh, ça c'est chouette. Heureusement que vous êtes là quand même, parce que je pense que plus on est soudés et puis plus on ira loin, et je pense que tous ces gens ont besoin de soutien. Alors je précise, c'est vraiment une équipe au conseil départemental des Vosges. On est vraiment tout un service et toute une direction qui œuvre pour accompagner les acteurs. On vous embrasse donc, tous. Donc voilà, il y a mes collègues. Je fais un petit clin d'œil à mes collègues. Eh ben voilà, c'est bien. Comment elles s'appellent ? Oh, il y en a plein. Il y en a trop. Je vais en oublier, donc je ne veux pas faire des jaloux ou jalouses. On embrasse tous les collègues. C'est presque bientôt la fin de cette émission. C'est quand même passé assez vite, hein, tout ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Avant de se donner quelques dernières informations, je te propose d'écouter Mehdi. Est-ce que tu le connais ? Oui, je le connais très bien. Il commence à monter un petit peu. On entend parler de lui. C'est vraiment avec les samedis. Mais bien sûr, sa juste cause, parce qu'il est très très doué. Est-ce qu'il est présent sur Culture C'est Nous ? Il est présent sur Culture C'est Nous. Ah, c'est bien. On écoute l'un de ses derniers samedis justement avec Fière Allure, et puis ensuite un gros coup de cœur avec Patrick Watson pour Je te laisserai des mots. J'ai découvert ça il y a quelques heures. J'avais trop envie de diffuser ce son. On se retrouve juste après pour la toute dernière ligne droite de cette émission. Le meilleur médicament qui soit, c'est le temps qui passe. T'as beau vouloir ne pas y penser, mais rien ne s'efface. Arrête de mentir, je sais qu'en toi y'a quelque chose qui casse. Et tu sais, je suis passé par là, pas la peine de te cacher. Le meilleur médicament qui soit, c'est le temps qui trace. Et après la pluie vient le soleil et le mal passe. Arrête de mentir, je sais que tu fais tout pour ne pas leur montrer. Tu sais, je suis passé par là, pas la peine de te cacher. Et toi, t'as toujours fière allure. Quand tu vas mal, tu ne le montres pas. Fière même si c'est dur, et tu pleures seulement quand tu rentres chez toi. Des semaines que ça dure, tu te demandes quand est-ce que ça s'arrêtera. T'es dans un sale état, le cerveau en salle d'attente, mais tu dis que c'est le destin. Ah ouais, je sais que t'as frôlé la mort et t'as vécu le pire, moi aussi. Je sais que t'as vécu l'horreur à ne pas fermer l'œil de la nuit. Je sais que t'as passé des heures et des heures bloquées dans ton lit. Mais c'est pas la fin du film, rien n'est impossible. Le meilleur médicament qui soit, c'est le temps qui passe. T'as beau vouloir ne pas y penser, mais rien ne se passe. Arrête de mentir, je sais qu'en toi y'a quelque chose qui casse. Et tu sais, je suis passé par là, pas la peine de te cacher. Le meilleur médicament qui soit, c'est le temps qui trace. Et après la pluie vient le soleil et le mal passe. Arrête de mentir, je sais que tu fais tout pour ne pas leur montrer. Tu sais, je suis passé par là, pas la peine de te cacher. Et toi, t'as toujours fière allure, quoi qu'il arrive, tu ne montres pas. Fière même quand c'est dur, t'es pas du genre à faire du cinéma. Ta fière allure, personne ne pense que pour toi rien ne va. Et même quand c'est dur, quoi qu'il arrive, tu ne montres pas. Ah ouais, je sais que t'as vécu le pire, mais le pire est passé. Je sais que t'as vécu le pire, maintenant tes larmes ont séché. Le temps a fait son effet, il a tout réparé. C'était pas la fin du film, rien n'est impossible. Le meilleur médicament qui soit, c'est le temps qui passe. T'as beau vouloir ne pas y penser, mais rien ne se passe. Arrête de mentir, je sais qu'en toi y'a quelque chose qui casse. Et tu sais, je suis passé par là, pas la peine de te cacher. Le meilleur médicament qui soit, c'est le temps qui trace. Et après la pluie vient le soleil et le mal passe. Arrête de mentir, je sais que tu fais tout pour ne pas leur montrer. Tu sais, je suis passé par là, pas la peine de te cacher. Yeah. Je te laisserai des mots. Quel moment poétique. Magnifique. J'espère que tu as aimé toi aussi, auditeur, ce dernier son. Moi, c'était vraiment un vrai coup de cœur. Et bien sûr, j'adore tous les morceaux que je passe. C'est moi qui les choisis. J'embrasse tous les artistes dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, qui me sont très très chers. Alors, une petite dernière info en passant. Reste dans le thème de la musique, car Christophe Toussaint propose un concert de musique suédoise, harpe et chant par Sarah Buffler au terme d'une année de vie en Suède. Elle donne à découvrir la musique issue des traditions nordiques, des chansons en langue suédoise, en norvégien ou encore en sami, langue des peuples lapons éleveurs de rennes. S'accompagnant de harpes celtiques, elle s'attache à transmettre avec beaucoup d'humour sa perception de la culture du pays, les penchants culinaires et quelques délicieuses et malicieuses expressions suédoises. Ça se passe le dimanche 27 juin à 16h. La rémunération se fait au chapeau. Et c'est à la ferme équestre de Dommartin, 4 lieux-dits des Granges de Franou. Et vous pouvez peut-être réserver au 07 84 27 71 86. Voilà. Tu aimes la harpe ? Oui, c'est très joli. On aime tout ici, voilà, on est très ouverts. Je suis très éclectique. Tu as raison. Alors, voilà, c'est la toute dernière ligne droite de cette émission. Il nous reste moins d'une minute, mais c'est pas grave, on va dépasser un petit peu. Pour parler de ce futur événement qui a lieu très très bientôt, un café rencontre, c'est ça ? Oui, c'est notre café C'est Nous du mois de juin, donc c'est demain. Et ouais. Mais on peut encore s'inscrire aujourd'hui. C'est sur le thème de l'EAC, donc l'éducation artistique et culturelle. Et ce sera un moment de mise en réseau et une séance de questions-réponses avec les partenaires de l'EAC du territoire, donc le Conseil départemental des Vosges, la DAC, la DRAC, et puis voilà, de présenter ce que c'est l'EAC et comment ça se met en place, et puis surtout de répondre aux questions des acteurs culturels. Ah, super. Comment ils s'inscrivent ? Alors, ils s'inscrivent en ligne. Donc, l'événement est sur la page Facebook de Culture C'est Nous. Il suffit de s'inscrire en ligne et vous pouvez le faire encore jusqu'à la fin de cette journée. Eh ben voilà, très bonne nouvelle. Du coup, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, tu l'as dit, hein, Facebook, Instagram. Voilà, Facebook, Instagram et YouTube. Ouais. Et puis surtout, ne pas hésiter de s'inscrire sur la plateforme culturecestnous.vosges.fr. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo pour nous parler de cet outil incroyable qu'est cette plateforme Culture C'est Nous. J'ai hâte de voir le futur site internet. Grand plaisir. Je te souhaite plein de courage pour cette mission qui est voilà plutôt prenante, on va dire. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ? Pour la suite, je dirais agrandir cette belle communauté. C'est vraiment ça mon souhait. Donc voilà, rencontrer encore et encore et encore plein de Vosgiens talentueux. Ouais, je te le souhaite, je vous le souhaite à tous. On embrasse toute ton équipe aussi. Cette émission sera rediffusée jeudi à midi. Elle sera podcastée sur notre profil et notre page Facebook. N'hésitez pas à y aller faire un tour. En attendant, auditeurs, eh bien, je t'embrasse. Je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo, prends bien soin de toi, prends bien soin des autres. Merci beaucoup, Muriel, d'être venue. Merci, Lia. Ici, allez, à bientôt. Yeah. Je te